إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc avant de commencer, parmi les catastrophes qu'on retrouve dans le prêche islamique, ce sont les gens qui prennent une place qui n'est pas la leur. Il y a les ulama, les gens de science envers qui il faut retourner. Comme Allah nous le dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur. Ahlul ilm, ce sont les gens qui ont étudié et qui ont été reconnus comme tels par leurs pairs, leurs semblables, qui eux ont la capacité de juger qui est un homme de science. Sinon, la majorité des gens font partie de la masse, l'ignorance prime chez eux. Et nous, en général, c'est notre cas. Donc, barakallahu fikum, pour le bien de chacun, il ne faut pas élever une personne à un stade au-dessus du sien. On s'entraide entre nous, on partage entre nous. Celui qui est moins ignorant essaie d'aider ceux qui le sont. Alhamdulillah. Et on essaie de rapporter que les paroles des gens de science reconnus comme tels. Barakallahu fikum. Le titre de ce cours, de ce soir, inshallah, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien transmis le message que lui a révélé son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Certains avaient mis comme titre « Mohammed a transmis le message ». Ça, c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah, le dernier et le sceau des prophètes. Donc on ne prend pas cette habitude de l'appeler, de l'interpeller ou de par son nom, comme les compagnons radiallahu anhum, qui étaient les bien éduqués, le faisaient. Il l'a interpellé par sa mission et son titre de prophète, de messager. De temps à autre, il se peut qu'il l'ait nommé par son nom, mais d'habitude, il l'interpellait que par « ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah ». Même Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, il l'appelle « ô toi le prophète ». Donc, par respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit notre prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, a très bien transmis le message. Allah nous dit dans le Coran, قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Dans le sens du verset, ô toi le messager, transmets ce qui t'a été descendu, révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, si tu ne transmets pas ce message, alors tu auras omis à ta mission. Tu n'auras pas transmis le message. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, te protège contre les gens. Certes, Allah ne guide pas les gens qui sont infidèles, le peuple infidèle. L'imam al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala yaqulu fi tafsirih li hadhihi al-aya yaqulu ta'ala mukhatiban 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bism ar-risala. Donc le grand imam, l'exégète, nous dit dans son commentaire du Coran, Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, le célèbre et connu parmi les grands élèves de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, alayhim rahmatullah, il dit, alayhi rahmatullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle à son serviteur, interpelle son serviteur, son adorateur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa mission et son titre de messager, car il lui a été donné le message. Wa amiran lahu bi iblaghi jami'i ma arsalahu Allah bih. Et il l'interpelle en lui ordonnant de transmettre tout ce qui lui a été descendu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. Et le prophète عليه الصلاة والسلام s'est acquitté de cette mission et il l'a accompli de la meilleure manière. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أن أنزل عليه فقد كذب. الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله. Puis الحافظ ابن كثير rahimahullah dit, en citant la parole de la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la véridique fille du véridique Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, elle dit radiyallahu anha, celui qui te rapporte ou celui qui te dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a caché une quelconque chose parmi ce qu'Allah lui a révélé, lui a fait descendre, sache qu'il a menti ou sache qu'il s'est trompé, qu'il a commis une erreur. Car le terme kadhaba, il a plusieurs sens. Le sens connu, général, c'est le mensonge. Mais chez les gens du Hijaz, de la région de la Mecque et de Médine, ils emploient ce terme pour dire que quelqu'un s'est trompé. Un tel kadhaba veut dire il s'est trompé. Donc il est aussi possible que c'est ce sens-là qui est voulu. Allah a dit dans le sens du verset, ô toi le messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Ce récit est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i, rahimahumullah. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قولها أيضا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم ذكر رحمه الله يعني ابن كثير قول الإمام الزهري رحمه الله من أئمة التابعين من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم رواه الإمام البخاري. Puis الحافظ ابن كثير رحمه الله cite un autre récit de la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, qui dit, si Muhammad, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, devait cacher une partie de la révélation, il aurait caché tel verset. Puis elle a récité ce verset, dans le sens du verset où Allah nous dit, et tu caches, il parle à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu caches ce qu'il y a en toi, et Allah va le divulguer en craignant les gens, et Allah est plus en droit d'être craint, dans le sens du verset. Puis il cita Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, la parole de l'imam Az-Zuhri, un imam parmi les imams des tabi'in, rahimahullah, qui dit, nous vient d'Allah le message, et il est demandé au messager la transmission. Et pour nous, ce qui est attendu de nous, ce qui nous incombe face à ce message, c'est de s'y soumettre. Rapporté par Al-Bukhari. قال المفتي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وهذه الرسالات من نعم الله على خلقه أجمعين إذ حاجة العباد إليها فوق كل حاجة وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة فهم في حاجة إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء إذ قصارى نقص ذلك أو عدمه تلف الأبدان أما الرسالة ففيها حياة القلوب والأديان بل والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Le mufti du royaume d'Arabie, le Cheikh Abdel Aziz Al Cheikh حفظه الله dit Et ces messages, c'est-à-dire les messages révélés à tout prophète et tout messager, font partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toutes ses créatures. Car le besoin des serviteurs envers ces messages est bien plus important. C'est une nécessité bien plus grande que celle qui dépasse toute nécessité et tout besoin. Ils sont dans ce besoin de ce message encore plus que le besoin qu'ils ont pour la nourriture, la boisson, les médicaments. Car si cela vient à diminuer le besoin du message ou vient à être vide, à manquer complètement, alors cela amènera à la perte et à la destruction des corps. Le message s'y trouve dedans ce qui donne la vie au cœur, ce qui donne la vie dans la religion. Le message est une nécessité pour la réforme de la personne dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. De même qu'il ne peut se réformer pour son au-delà si ce n'est par son suivi du message, de même il ne pourra se réformer dans cette vie d'ici-bas si ce n'est par le suivi du message, comme cela a bien été expliqué par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. ثم قال حفظه الله وكذلك أيضا كل رسول يأمر قومه بطاعته إذ هذا مقتضى الرسالة يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Puis le Cheikh Al-Cheikh Hafizahullah dit « De même que tout messager ordonne à son peuple de lui obéir, car c'est ce qui implique le message. Le message transmis par le prophète implique une obéissance de ceux qui vont le suivre. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset « Et nous n'avons envoyé de messagers » si ce n'est pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. ثم ذكر حفظه الله حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا الحديث رواه مسلم. Puis le Cheikh Al-Sheikh حفظه الله cite le hadith de l'honorable compagnon Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu, lorsqu'il cita un discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: et certes mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez parmi ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui, rapporté par Muslim. روى الإمام مسلم. Ici se terminent les paroles du مفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي نهاية حديث خطبة حجة الوداع وهو حديث حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. الإمام مسلم رحمه الله rapporte d'après l'honorable compagnon, fils de l'honorable compagnon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, c'est lui qui rapporte le long hadith qui est dans Sahih Muslim, dans lequel il y a pratiquement tous les rites du pèlerinage qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Jabir, il est connu dans Sahih Muslim, il est très long, il raconte depuis qu'ils ont quitté Médine jusqu'à la fin du pèlerinage. Le Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, il a un livre qui s'appelle Manasik al-Hajj wal-Umra, les rites du pèlerinage et de la Umra. Et il a un autre hadith qui est le pèlerinage comme il a été rapporté par Jabir dans Sahih Muslim. Où dedans, il explique et il détaille tout ce récit. Et à la fin de la khutbah, du pèlerinage d'adieu qui est rapporté dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons radiyallahu anhum, subhanallah, des dizaines de milliers de personnes réunies à Arafah le 9e jour de Dhul-Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ce discours et avant de le faire il va demander qu'il y ait un silence total pour leur dire que, leur faire comprendre que le message qui va suivre est d'une très grande importance. Tout le monde va comprendre que le prophète est en train de leur faire ses adieux, alayhi salatu wa salam. Et c'est le seul pèlerinage accompli par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était en l'an 10 de l'Hégire. Et le jour de Arafah est tombé un vendredi, le vendredi 9 de Dhul-Hijjah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décédera quelques mois après ce pèlerinage. Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا, que vous preniez de moi vos rites de pèlerinage. Car il aura tout transmis, alayhi salatu wassalam. Il aura enseigné, comme il a dit auparavant, à ce groupe de jeunes qui étaient venus, qui ont quitté leur famille, leurs proches, leurs tribus, pour venir prendre la connaissance et la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont restés une vingtaine de jours. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que leur famille leur manquait, leurs épouses leur manquaient, il leur a demandé de retourner chez eux. Et avant cela, il leur a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ses gestes et de par ses paroles, il a transmis le message alayhi salatu wa salam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit aux compagnons pendant ce pèlerinage d'adieu, que vous preniez de moi vos rites de pèlerinage. Il se peut que je ne sois pas avec vous. Je ne serai pas avec vous l'année prochaine. Alayhi salatu wa salam. Et il est mort, alayhi salatu wa salam, avant de terminer l'année, avant d'atteindre l'autre pèlerinage. Alayhi salatu wa salam. Donc, il va parler et Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à toutes les personnes, même des personnes qui sont dans leur demeure, à cet endroit, ils vont entendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala que tout le monde a pu écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, il y avait Ali radiallahu anhu qui répétait ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour encore plus renforcer que ces termes, que ce message atteigne toute personne. Et à la fin de son discours, alayhi salatu wa salam, il dit « Et vous serez questionné sur moi. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous répondre lorsqu'on vous demandera sur moi ?» Il dit « Radiallahu ta'ala anhum ajma'in, nous témoignons que tu as bien transmis, que tu t'es bien acquitté, c'est-à-dire tu t'es acquitté du dépôt et que tu as bien conseillé. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé son doigt. As-sababa, c'est l'index. Faqala, qala veut dire. Mais qala aussi est employé pour l'action aussi. Parfois, on a le verbe qala, mais il est voulu par là l'action, un geste, un fait. Et il a levé son doigt vers le ciel. Vers le ciel. Et il l'a rabaissé vers les gens en disant « Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. » Et dans ce hadith, on comprend, il y a un enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est élevé au-dessus de ses créatures. Il est élevé au-dessus du ciel, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il levait le doigt vers le ciel. « Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. » Il l'a dit à trois reprises. « Alayhi salatu wassalam. » « Qala al-allamatu al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah fi sharhihi li hadha al-hadith al-tawil al-azim. » Le shaykh al-Uthaymin alayhi rahmatullah dit dans son commentaire de ce hadith, il a un commentaire spécial réservé à ce hadith qui est très long de Jabir radiallahu anhu qui explique les rites du pèlerinage. Wa huwa yuridu al-fawaid. À la fin du commentaire, le Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah va citer plein de leçons à retenir, à tirer de ce récit. Qala alayhi rahmatullah wa fihi ya'ni fi hadha al-hadith الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه وأن به العصمة من كل سوء فإن قال قائل. Donc il y a dans ce hadith un encouragement, un ordre de se cramponner, d'être attaché au livre d'Allah, puisqu'il va recommander de se cramponner au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de retourner à ce livre. Et en agissant ainsi, la personne, elle est préservée de tout mal, de toute déviance, de tout égarement. Fa in qala qa'il, si quelqu'un venait à dire ma taquluna fi sunna allati lam takun mawjoudatun fi al-Qur'an bi'ayniha, que dites-vous? Si quelqu'un vient poser cette question, que dites-vous de la sunna, des enseignements qu'on retrouve dans la sunna, mais ces enseignements bien précis, on ne les retrouve pas dans le Coran. Ils ne sont pas cités dans le Coran, précisément. J'ai choisi ce titre, que le prophète a bien transmis le message, parce que avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, les gens ne se réfèrent pas là où ils doivent se référer. De retourner aux gens de science. Tout le monde, bah, pratiquement, se prend pour un moufti. Son chir, c'est Google. Il tape dans Google la phrase qu'il veut, il fait sa propre recherche, ce que lui, il a trouvé. Il pense que c'est bon, c'est la vérité, il est prêt à en discuter même avec les gens de science. Subhanallah. Et à remettre en cause les paroles des gens qui sont en droit de répondre, tellement qu'il est sûr de lui. Voyez, regardez l'ignorance, qu'est-ce qu'elle fait de la personne. Wal'iyadhu billah. Des gens même, les livres sont chez tout le monde. Avant, la science, ce n'est pas tout le monde qui l'avait. Même le Coran. Le Coran, dans des villages, les gens se prêtaient le mushaf. Il n'y en avait pas. Maintenant, les livres, tout le monde a une bibliothèque. Tu lis, alhamdoulilah, tu essaies de comprendre, mais tu remets en cause ta compréhension. Il y a forte chance que c'est toi qui es mal compris, non pas le savant. Subhanallah. Vous voyez des gens prendre des livres de médecine, des dictionnaires de médicaments et venir discuter avec les médecins. Vous avez dit, mais où est-ce qu'on voit ça, subhanallah? Un boulanger, il sait mieux ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas discuter avec lui? Le boucher, de même. Parce que j'ai lu quelques livres, je peux me permettre. Allahu al-musta'an. Ne soyez pas étonné du désastre. L'ignorance, elle fait plus de mal à la personne que son pire ennemi envers lui. Lorsque l'homme qui s'est levé au matin et faisait partie d'un bataillon qui revenait d'une guerre, d'une bataille, et il était blessé à la tête, il s'est levé en état de grande impureté, de grande souillure. Il a demandé est-ce qu'il peut faire le tayammum. Ceux qui étaient avec lui ont dit non, tu dois faire le rosol, tu dois te laver avec l'eau. Il les a écoutés, il s'est lavé avec l'eau, il en est mort. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils l'ont raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris de colère face à cet agissement, il a dit alayhi salatu wa sallam, qatalou, qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ala sa'alu hina jahilu. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْءِ السُّؤَالِ وَالْعَيْءِ هُوَ الْجَهْلِ. Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su? Car le remède de l'ignorance, c'est de questionner. Donc les gens se baladent dans les sites, dans les blogs, dans, et voilà. Allahu al-musta'an. Faites attention. Jusqu'à maintenant, on en arrive, des gens qui viennent, on ne connaît même pas le degré de leur pratique religieuse, leur degré de leur soumission à Allah Azza wa Jal. Il se peut même que ce soit des gens qui n'ont aucune pratique religieuse, qui viennent à parler, à discuter. Et des gens prêtent oreille et ils veulent en débattre. Le débat, c'est quelque chose qui est aimé des gens. Alors que les ulama mettent en garde contre les débats. Ton suivi de la religion n'est pas le fruit de débat. C'est une soumission à Allah Azza wa Jal. Plus connaisseur que nous et plus savant que nous, on fuit les débats. Qui on est pour aller débattre? Sans compter toutes les maladies qui en découlent, parmi lesquelles celui qui débat, il aime gagner le débat, même s'il a tort. Il n'aime pas perdre. Donc il y a des maladies qui en découlent. Un grand mal, wal'iyadhu billah. Et ceux qui sont dans les débats, ce sont ceux qui changent le plus de chemin. Un jour ils sont ici, un jour ils sont là. Comme a dit l'imam Malik, rahimahullah, lorsque l'homme a voulu débattre avec lui, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe si jamais tu gagnes? Il lui a dit, tu devras me suivre. Si c'est moi qui gagne, je te suivrai. Si nous deux on rencontre celui qui va nous battre dans le débat, eh bien on devra de le suivre. Il doit être donc notre religion, elle viendra à changer du jour au lendemain. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi. Car moi, je suis sur une certitude de ma religion. Il n'y a pas de doute. Subhanallah. Et donc, on en arrive. Puisque les gens se croient avoir le niveau, la capacité, ils ont une confiance en soi, comme ils disent. Wal'iyadhu billah. Alors que notre confiance, elle doit être en Allah Azza wa Jal. On n'est rien sans Allah. On est complètement perdu, si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve, et nous assiste et nous vienne en aide. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas le laisser s'en remettre à sa propre personne, même pas le moment du clignement de l'œil. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah. Écoutez la suite. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Même pas le moment du clignement de l'œil. Et comme on dit, Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et on n'aura pas été guidés si ce n'est qu'Allah nous a guidés. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des sectes, parmi lesquelles une secte qui n'est pas musulmane, même si elle se dit musulmane, qu'on appelle Al-Qadiyaniya, et ils se font appeler Al-Ahmadiyya, fondée au 19e siècle, en 1800 et quelques, par un Indien qui a suivi les conseils du colon britannique, qui s'appelle Ahmed Mirza Ghulam Al-Qadiani, de la région de Qadian, d'où le nom de sa secte, et qui s'est dit prophète. Et il a des suiveurs. Et ils ont même une chaîne satellitaire. Et ils expliquent le Coran comme bon leur semble. Et ils ne reconnaissent pas la sunna. Semblable à eux, et eux ils en font partie, c'est la secte de le Coran Yoon. Les Coranites, qui disent « Nous, on prend que le Coran. » Le Coran, c'est sûr, mais la Sunna, non. « A'udhu billah. »« Na'udhu billah. » Puis il y en a, ils n'osent pas atteindre ce degré, mais ils y sont, presque. Ils sont sur le chemin. Ils remettent en cause la Sunna. Et ils te font comprendre, d'une manière ou d'une autre, qu'il faut plus aller vers le Coran pour les dissocier, les séparer. Subhanallah. Ça, c'est un chemin qui va amener à cette finalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti qu'il y aura l'exemple d'une personne allongée sur son divan, rassasiée, et qui dira: je ne prends rien, seulement ce qu'il y a dans le Coran, ce qui est halal ou haram dans le Coran, je le prends. Sachez que ce que le messager d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. Voilà ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle de ce genre de personnes qui vont arriver. Alayhi salatu wa sallam. Et il lui a été donné le Coran et son semblable avec. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Alayhi salatu wa sallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélé. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit aussi? Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Le prophète sallam dit: et certes, vous ne serez jamais égaré tant que vous y attachez. Il a laissé entre nos mains ces deux choses qui sont le moyen d'être préservé de la déviance et de l'égarement. Le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne seront jamais séparés jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant le bassin, Al-Hawd, qui est le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'au-delà. Et en plus, ça n'existe pas réellement. Quelqu'un qui dit « je reviens au Coran, mais je ne reviens pas à la Sunna », c'est un menteur. Car revenir au Coran veut dire revenir à la Sunna. Car Allah tabaraka wa ta'ala donne des ordres dans le Coran. Et il nous ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de prendre ce que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimuka fi ma shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Et non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à qu'ils te prennent juge dans leurs différends. Subhanallah. Donc, cette personne qui dit qu'il suit le Coran, comment il fait ? وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Et suivez-le afin que vous soyez touchés par la miséricorde. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous venez à diverger sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et au messager. Donc ce sont des menteurs. En plus de cela, ils disent, qui nous dit que les compagnons ont bien retenu ce que le prophète a dit? Parmi les choses qu'ils disent, les ambiguïtés. Mais si on suit leur ambiguïté, on va aller jusqu'au bout. Donc le Coran, on ne peut pas le prendre. Parce que c'est qui nous a transmis le Coran? C'est les compagnons. Donc comment vous prenez le Coran des compagnons, mais vous ne prenez pas les hadiths des compagnons? Vous remettez en doute les compagnons dans les hadiths, mais d'eux vous prenez le Coran. Subhanallah. Elle est où la logique là? Donc faites attention. Éloignez-vous. Bouchez vos oreilles. Éloignez-vous. Il y a un lion qui arrive, il y en a plein qui vont courir. N'est-ce pas? Je ne pense pas que tout le monde va rester assis sans bouger. D'accord. Et il est où le problème à la fin? C'est d'être mangé par le lion. Tu n'as pas fait de péché, tu as été attaqué, tu as subi quelque chose. Mais l'innovateur, celui qui est plein d'ambiguïté, c'est une maladie atroce. Tu étais tranquille, apaisé. Il s'assoit avec toi, tu es perturbé. Ça entre facilement, c'est difficile pour la faire ressortir. Donc faites attention. On revient à la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. فإن قال قائل ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها. Si quelqu'un vient à dire, que dites-vous de la sunna qui n'est pas spécifiquement citée dans le Coran? قلنا كل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في القرآن. On répondra, on dira, toute sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, a enseigné, alors elle se trouve dans le Coran. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah le Très-Haut a dit, et certainement il vous a été donné dans le messager d'Allah un bon modèle, un bon exemple à suivre. Wa qala ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et Allah dit dans le sens du verset, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, ça c'est le verset de l'épreuve. C'est le verset de l'épreuve. Lorsque des juifs à Médine ont prétendu, ont dit ouvertement, nous on aime Allah. Jusque-là, c'est une prétention. Mais il faut la prouver. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous allez prouver, vous dire. Ce ne sont plus que des paroles, mais qui sont des paroles suivies d'actes. Alors suivez. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des preuves de l'amour d'Allah qu'a cette personne. Et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un message aussi aux gens de l'innovation qui pensent que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est innover. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de fêter ou célébrer sa naissance alayhi salatu wa salam. Puis ils viennent attaquer les gens qui se contentent de suivre convenablement en leur disant, vous aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est leur péché? D'avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De suivre convenablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on irait faire une chose qui ne nous a pas été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas une chose mondaine. Et parfois parmi eux, les ambiguïtés qu'ils ramènent, ils disent que ce n'est pas un acte religieux. Ah d'accord. Donc quand toi tu fêtes la naissance du prophète, c'est comme celui qui boit de l'eau. Ou qui mange le repas du midi ou du soir. C'est la même chose. Subhanallah. Quel mensonge. Pour eux, ils sont en train de se rapprocher d'Allah par cet acte-là. Et ils pensent bien agir pendant ce moment-là. Subhanallah. Mais quand les gens n'ont plus de réponse, regardez où ils en arrivent. Non, ça fait partie des choses mondaines, des choses habituelles. Non, ce n'est pas habituel. Pendant 400 ans, les meilleurs des hommes, les compagnons, les tabi'in, etba' tabi'in, jamais ils ne l'ont fait. Jamais ils n'en ont parlé. Tellement que le sujet était inconnu à leur époque. Ça n'existait pas. Même les innovations qu'il y avait, il n'y avait pas celle-là. Subhanallah. Et ceux qui l'ont inventé, Al-Ubaydiyoun, qui sont des grands ennemis de l'islam, qui se font appeler Al-Fatimiyoun, pour rentrer dans les cœurs des gens, pour être acceptés des gens, et ils ont dit on fait partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette lignée-là, elle est fausse. Les Banu Ubayd ne sont pas de la lignée du prophète, alayhi salatu wa sallam, comme l'ont dit les savants. C'était des ennemis de l'islam, qui détruisaient l'islam de l'intérieur. Et ils ont fait beaucoup de mal pendant leur règne. Et parmi les choses qu'ils ont fait, ils ont inventé la célébration du Mawlid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce sont des précisions. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la date exacte, les ulama diffèrent dessus. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent que c'est le 12, il y en a qui disent que c'est le 8, il y en a qui disent que c'est le 9. Et l'imam Malik, rahimahullah, dans le Muwatta, si mes souvenirs sont bons, il dit que c'est le 9. Mais une chose dont tous ils sont d'accord, c'est sa date de mort, alayhi salatu wassalam, le 12 de Rabi' al-Awwal. Le 12 de Rabi' al-Awwal. Donc, ces gens-là, n'ont-ils pas en réalité voulu célébrer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et des gens les ont suivis dans leur ignorance. Wal'iyadu billah. Puis, ils essaient de trouver. Dans la religion, on a les textes. Puis, on a la soumission aux textes et le suivi. Des gens ont des idées préconçues. Puis, ils vont chercher dans les textes ce qui va réconforter leur opinion. Ça, c'est un procédé qui est faux. Ils vont dire, la preuve que c'est important ce jour-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, ça c'est un jour dans lequel je suis né. Tayyib. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on lui a posé la question? Il jeûnait ce jour-là. C'est le lundi en tant que lundi, le jour de la semaine, qui se répète tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est né qu'une seule date dans l'année. Subhanallah. Et le 12 de Rabi' al-Awwal ne tombe pas toujours un lundi. Ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Donc ce hadith-là n'est pas un argument. Comme disaient certains ulama, les innovateurs, les arguments qu'ils ramènent, on les retourne contre eux. Subhanallah. Ce n'est en rien une preuve. Ça, c'est montre l'importance du lundi. On a ce texte-là. Une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, c'est parce que c'est le jour, il est né un lundi. Et aussi, mais là c'est pas que le lundi et le jeudi, ils sont bien de les jeûner. Pourquoi? Parce que ce sont les jours où les œuvres des serviteurs d'Allah sont élevées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète aimait que ses œuvres soient présentées à Allah en étant en état de jeûne. Alayhi salatu wa sallam. Donc celui qui veut vraiment faire quelque chose, le lundi qui se répète tous les 7 jours, c'est de jeûner ce jour-là. Puis il ramène aussi, regardez, l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il a été sauvé, lui et son peuple, Banu Israël, contre Pharaon et ses troupes qui ont été noyées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les juifs jeûner ce jour-là, par joie de cette victoire qu'a eu Moussa alayhi salam, il a dit, nous, on est plus prioritaire de Moussa que vous. C'est-à-dire, Moussa est plus proche de nous que vous. On est plus en droit de Moussa que vous. Et il a demandé, oh, il a ordonné aux musulmans de jeûner. Et le jeûne de Ashura, le 10 de Muharram, après que le mois de Ramadan fut légiféré et ordonné de le jeûner, et est devenu un pilier parmi les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam, le jour de Ashura, il est resté recommandé. Mais au début, avant qu'il y ait Ramadan, il était obligatoire. Tayyib. C'est qui a légiféré de jeûner à Ashura? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Qui peut dire, moi je peux prendre le titre du prophète? Subhanallah. C'est le prophète en personne, alayhi sallatu wa sallam. Tayyib. Dis au Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Car Allah, il est le pardonneur et le miséricordieux. Wa qala ta'ala, fa aminu billahi wa rasulih. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Et Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, alors croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez guidés. فكل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من القرآن لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. Donc il dit الشيخ العثيمين رحمه الله, donc toute sunna enseignée, légiférée par le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, elle fait partie du Coran, et ce n'est pas une obligation qu'elle soit nommée précisément dans le Coran, qu'elle soit citée précisément dans le Coran. Ça, c'est une des leçons que le cheikh cite du récit de Jabir radiallahu anhu. L'autre leçon, اعتراف الصحابة radiallahu anhum بالجميل للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله. La reconnaissance des compagnons radiallahu anhum ajma'in du bienfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a demandé, qu'allez-vous dire? Ils ont été reconnaissants. Ils vont témoigner de ce qu'ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nashhadu annaka qad ballaghta wa addayta wa nasahta. Nous témoignons que tu as bien transmis, tu t'es acquitté et tu as conseillé. Wa hadhihi ash-shahada التي شهد بها الصحابة رضي الله عنهم يجب على كل مؤمن أن يشهدها. Et ce témoignage dont les compagnons رضي الله عنهم se sont acquittés, tout croyant se doit de le témoigner et de le reconnaître. فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. Et donc nous, nous témoignons qu'il a bien transmis, qu'il s'est bien acquitté de son dépôt, et qu'il a bien conseillé, alayhi salatu wassalam. Wa qala al-shaykh al-doktour Abdul Razzaq ibn al-Allam al-shaykh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah. Et le shaykh, le docteur Abdul Razzaq, fils du grand savant, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, حفظهم الله أدي. وقوله وأنتم تسألون عني، أي عن تبليغي للرسالة. وقوله فما أنتم قائلون، أي في حقي. وقولهم قد بلغت، أي الرسالة. وأديت، أي الأمانة. ونصحت، أي الأمة. وقوله اللهم اشهد، أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت وكفى بك شهيدا. Donc Cheikh Abdul Razzaq, hafizahullah, nous dit dans son explication de ce passage du hadith de Jabir radiallahu anhu. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous serez questionné à mon sujet, c'est-à-dire dans ma transmission du message. Et sa parole, qu'allez-vous dire, c'est-à-dire à mon sujet, qu'est-ce que vous allez répondre? Et leur parole, tu as bien transmis, c'est-à-dire le message, et que tu t'es bien acquitté, c'est-à-dire du dépôt, et que tu as bien conseillé, c'est-à-dire la communauté. Et sa parole, alayhi salatu wassalam, oh Allah, sois témoin, c'est-à-dire sur tes serviteurs. Car ils ont reconnu et affirmé que j'ai bien transmis. Et Allah suffit, lui seul, comme témoin. Subhanahu wa ta'ala. Nous allons terminer, inshallah, avec quelques hadiths qui parle du sujet de la transmission du message du prophète alayhi salatu wassalam. Wa an Abi Bakr radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam falyuballigh ash-shahid al-gha'ib, muttafaqun alayh. D'après Abu Bakr radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ceux qui sont présents, le prophète sallam leur a transmis le message. Et à eux de transmettre à ceux qui étaient absents. Et wallahi, que les compagnons, radiallahu anhum, ils l'ont fait de la meilleure manière. Ils ont tout transmis aux tabi'in. Et de génération en génération. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, qala sallallahu alayhi wa sallam, بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi même si ce n'est qu'un seul verset. Ici aya, certains ulama l'expliquent que ce n'est pas seulement le verset coranique, c'est toute parole. Qu'en arabe, le mot aya veut dire une phrase complète, même si elle est courte. On appelle ça ayah aussi. Donc, qu'il est voulu dans ce hadith que ce soit un verset coranique ou une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Parfois, ce hadith, vous trouvez par exemple chez Jama'at al-Tabligh. Ils le ramènent ce hadith pour dire qu'ils ont le droit d'agir comme ils le font, c'est-à-dire de transmettre l'ignorance. Et il ramène ce hadith, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَا عَنِّي. C'est une parole, un verset, une parole prise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba l'ont pris du prophète, les tabi'in l'ont pris des sahaba, les atba'at tabi'in l'ont pris des tabi'in, et ainsi de suite. C'est une chaîne, subhanallah. Ont-ils pris ce qu'ils transmettent de la bouche des gens de science? Non, puisqu'ils disent aux gens, la première fois qu'ils sortent avec eux, lève-toi, il y aura une lumière qui va sortir. Qu'est-ce que je veux dire? Parle. Prends la parole. Raconte ce que tu veux. Eux, ils sont là, tous éblouis, en train de l'écouter. Wallahu al-musta'an. Mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'eux. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Beaucoup de gens aiment parler. Aiment parler dans la religion sans connaissance. Sans connaissance. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Faites attention, c'est très grave. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ فُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Surtout, tu seras questionné au Qiyamah. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Ne parle pas ce dont tu n'as pas connaissance. Car sur lui, la vue et le cœur, sur toute chose tu en seras questionné. Lorsque l'imam Malik, rahimahullah, a répondu à plein de questions, la adri, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, l'homme était étonné. Il lui a dit, informe ta famille, les gens vers qui tu retourneras, que la adri, je ne sais pas, est la moitié de la science. Lorsque Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit la adri, à un homme qui le questionna, cet homme était étonné. Abdullah regarde son ami qui était avec lui en lui disant, que veulent-ils ces gens-là? Ils veulent se servir de notre dos comme passerelle au-dessus du feu de l'enfer. Nous, c'est-à-dire que nous, en agissant mal, on tombe dans le feu, mais eux, ils se servent de notre dos pour traverser le feu. Subhanallah. Lorsqu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne parle que lorsqu'on est sûr qu'on sait. Dans le doute, on ne parle pas. Alors que dire quand on ne sait pas? Et le pire, c'est quand tu vois des gens prendre la parole là où eux, ils disent, à tort ou à raison, les savants n'ont pas parlé. Comment ça se fait, les savants, ils ne parlent pas? Donc pour lui, il part sur le principe que les savants n'ont pas parlé sur tel sujet. Donc c'est sa conviction à ce moment-là. Et il prend la parole. Comment oses-tu prendre la parole là où toi-même tu dis que les savants n'ont pas parlé? Ajib, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est bien pour montrer. Le savant, il sait la gravité. Parler sur Allah sans connaissance, c'est pire que le shirk. Car le shirk, le fait d'avoir parlé sur Allah sans connaissance. Subhanallah. Ils se sont permis d'adorer autre que Allah. Ils ont parlé dans la religion sans connaissance. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Quelle grande injustice de parler sans connaissance. Et quel est le plus injuste que celui qui a proféré un mensonge à l'encontre d'Allah? وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Des gens, ils ont une facilité. Ça, on a le droit. Ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est permis. Ça, c'est interdit. Sans aucune retenue. Et le lendemain, ah, je m'étais trompé. Puis il recommence. Et Allah, subhanallah, la religion n'est pas un jeu. Comme disait l'imam Malik, rahimahullah, si tu veux jouer, ne joue pas avec la religion. Joue dans autre chose, mais pas avec la religion. La religion, c'est du sérieux. Et rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui écrit un grand ouvrage. Et dedans, combien de rappels et de leçons qu'on y retrouve, il l'a intitulé I'lam al-muwaqqi'in 'ala rabbil 'alamin. L'information donnée à ceux qui signent au nom d'Allah. Les ulama, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils vous disent ceci est halal, ceci est haram, c'est-à-dire qu'ils vous confirment que c'est bien le jugement et la loi d'Allah. Pas quelque chose à prendre à la légère. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه الحديث رواه ابن أبي شيبة والبغوي وصححه الألباني. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, ô vous les hommes, il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis et qui vous éloigne de l'enfer sans que je vous ne l'ai pas ordonné. Et il n'y a pas une chose qui vous rapproche du feu de l'enfer et qui vous éloigne du paradis sans que je vous ne l'ai pas interdit. Rapporté par Ibn Abi Shayba et Al-Baghawi et authentifié par Al-Albani. وعن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري ومسلم et d'après حذيفة بن اليمان رضي الله عنه qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole, s'est levé pour faire un discours. Alayhi salatu wa sallam. Et dans ce discours, il n'a rien laissé de ce moment-là où il nous a parlé jusqu'au jour dernier, jusqu'à que l'heure sonne sans qu'il ne nous en ait pas parlé. S'en rappelle celui qui s'en rappelle, l'a oublié celui qui l'a oublié. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري Et d'après le prince des croyants, le deuxième grand calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour faire un discours alayhi salatu wa sallam il nous a informé sur toute chose depuis le début de la création jusqu'à que les habitants du paradis entrent dans leur demeure et les habitants de l'enfer entrent dans leur demeure a mémorisé celui qui l'a mémorisé et l'a oublié celui qui l'a oublié. وعن ابي زيد عمرو بن اخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم Et d'après Abu Zayd, Amr ibn Akhtab, radiallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a présidé pour nous la prière de Sobh, la prière de l'aube. Puis après la prière directement, il est monté sur le minbar. Et il nous a fait un discours jusqu'à que l'heure de Zohor est arrivée. Puis il est descendu et nous avons accompli la prière de Zohor. Puis il est remonté sur le minbar et il a continué son discours jusqu'à que l'heure de l'Asr est arrivée. Puis il est descendu, nous avons accompli l'Asr. Puis juste derrière après, il est remonté sur le minbar et il a continué son discours jusqu'à l'heure de l'Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Et il nous a informé sur toute chose. Le plus connaisseur d'entre nous, c'est celui qui a le plus mémorisé parmi nous. Rapporté par Muslim. Et je terminerai par ce récit de Salman al-Farisi radiyallahu anhu qui dit qu'il a été questionné et dans d'autres versions qu'il a été questionné par des associateurs, des polythéistes قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال فقال أجل الحديث donc Ils ont demandé au prophète, à Salman al-Farisi, radiallahu anhu, votre prophète vous a enseigné toutes choses, même comment faire ses besoins dans les toilettes. Il a dit oui. Il a dit oui. Donc eux-mêmes, ils ont demandé. Et même c'était pour se moquer. Parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité d'apprendre. mais c'est pour montrer qu'il a tout enseigné le prophète sallam. Votre prophète vous a tout enseigné. Et Salman a dit oui, il nous a tout enseigné. Puis après Salman va expliquer en détail l'enseignement du prophète sallam, les bonnes manières pour faire ses besoins. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق والسداد نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يسترنا بستره الجميل نسأل الله تبارك وتعالى من خير ما سأل منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بالله تبارك وتعالى من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين